On va parler de baseball, on va parler de jeux vidéo de baseball avec notre ami René Cadieux du site internet game-focus.com, la référence des jeux vidéo. Salut René! Salut! René, si on parlait d'abord de jeux de LMB de show, j'ai eu l'occasion de l'acheter, un jeu vidéo encore une fois très très bien fait. Oui, oui, chaque année, ce jeu-là est des top. Là. C'est, visuellement, c'est toujours très beau, c'est ressemblant et les stades sont assez fidèles au vrai. Chaque année, il essaie d'innover. C'est ce qui est beau de cette compagnie-là. C'est quand tu fais, c'est différemment à EA que des fois, c'est ce laurier puis il offre un jeu de moins bonne qualité. De show, lui, il va tout le temps essayer d'offrir quelque chose de nouveau. Cette année, on a modifié le mode... Road to the Show, c'est qu'on l'a rendu un peu plus comme un jeu de rôle, si on veut. On a plus de choix, plus de trucs qui vont nous aider à performer. Puis selon nos performances sur le terrain, quand on joue, ben, nos compétences vont s'améliorer. On va pouvoir aussi les améliorer en pratiquant justement dans la cage des frappeurs ou en lançant des affaires de même. Mais c'est quand tu vas, mettons, frapper un coup sûr ou un bon contact, même si c'est fort ball, on va te donner des points. Tu attrapes la balle, tu lances au bon moment, on va te donner des points. Puis ton bonhomme va s'améliorer. Puis c'est contrairement à juste dépenser des points et à accumuler de l'argent pour mettre dans la stratégie, ça va améliorer ça. Au niveau des autres modes de jeu, mais le mode franchise est toujours aussi complet quand on aime gérer une équipe de A à Z. Mm. Malheureusement, il y a ceux qui aimaient y jouer en ligne, il n'y a plus de mode franchise en ligne parce que de toute façon, la plupart des joueurs qui ont joué en ligne, c'est comme moi, il y avait pas mal de lag. Là. Des fois, tu lançais la balle, ouf, ça arrivait 2 minutes après, puis j'exagère avec mon 2 minutes, mais. Il y avait un bon temps de latence avec la balle arrive, le jeu était ralenti, puis on perdait du plaisir à y jouer. Fait que c'est aussi bien l'enlever tant qu'il y a avoir des problèmes de serveur. Mais sinon, le jeu en général, notre amélioration. Ça reste toujours, il y a toujours des petits trucs à améliorer, mais il essaie tout le temps quand même d'innover, d'amener quelque chose d'intéressant, puis de rendre ça le plus fidèle possible au vrai baseball. Là. OK, c'est pas vrai. C'est pas compliqué, c'est le meilleur jeu avec NBA 2K Sports. Par contre, NBA 2K Sports, et les gens n'aiment pas beaucoup le basket au Québec, de moins en moins. Fait que c'est sûr. Puis c'est dans Dynasty que les expos sont là? Dans le mode Dynasty, on peut créer une équipe. Fait que oui, on peut prendre le logo des expos, puis ça crée une équipe aux couleurs expos, puis justement prendre des joueurs, parce que ça marche avec un genre de cartes. On vous donne des packs de cartes qu'on achète avec les points cumulés. Sure. Oui, à PlayStation Store avec de l'argent, mais la plupart du temps, on va acheter, mettons, les avec les stats qui appellent la monnaie. En fait, on va acheter des paquets de cartes, ça va nous donner des joueurs. On peut en faire, au début, on donne des joueurs un peu de moins bonne qualité. Et plus ça va, on peut former une équipe. Crowd pourrait jouer, mettons, à Montréal. Avec Aaron Judge et tout ça, puis tout ça juste avec les cartes. Là. Fait qu'au moins, il n'y aurait pas eu de salaire puis les affaires la même. Mais le mode Dynasty, on a moins de trucs à gérer. Sauf qu'on a un mode qui ressemble à risque. Il faut voler les fans des autres équipes. Fait que c'est toujours le fun. Ça fait une couple d'années qui est implanté, ce petit mode-là, mais il est quand même plaisant de pouvoir déplacer les fans sur la grille puis essayer de voler sur des équipes autour puis justement de posséder tous les fans. C'est assez difficile, mais c'est le but du jeu. OK. Donc, d'autres choses à ajouter peut-être? C'est comme je disais, si vous avez joué à l'année passée, vous allez marquer que le système de lancer et de frappe a modifié un peu, il a changé un petit peu. Mais encore là, c'est rien de trop compliqué, on peut revenir au mode classique des années précédentes. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on dirait qu'on améliore aussi le côté qui s'ajuste aux joueurs. Là. C'est ce que j'aime dans ce jeu-là, c'est que c'est une journée, tu es moins bon, mais le jeu va s'ajuster un peu à toi, ton niveau va baisser, puis quand tu vas revenir, être dans ta forme, le jeu va revenir difficile, et ainsi de suite, là, ça va bouger, puis. Fait que t'as pas l'impression de tout le temps juste avoir de la misère ou que de pas progresser dans le jeu. Le système de progression est réussi dans celui-là. Fait que c'est, comme je dirais, comme on dit tantôt, c'est un jeu très complet au niveau. Peut-être les petites lacunes, c'est la musique, mais on s'en fout un peu. Là, ouais. C'est pas la nécessité. L'équipe qui font les commentateurs, il y a un nouveau. Je pense que c'est DeRosa qui se joint cette année. Fait que encore là, c'est une bonne job de commentateur puis de tout ça. Fait que bref, dans son ensemble, c'est vraiment un jeu intéressant, vraiment un bon jeu de baseball. Là. Je dirais que c'est le jeu. Malheureusement, il n'est pas sur les autres consoles. Mmh. C'est qu'on peut, ben, il n'est pas sur Xbox One ou Switch. PlayStation. Tout ça. PlayStation. C'est une exclusivité. Ouais. Donc, on va y aller avec. Ouais, ça, je m'en ai dit, le pointage. Nous, on lui a donné un gros 8,5 sur 10. Parce que, comme tu as dit, oui, il y a des choses à améliorer, mais chaque année, ça reste dans les meilleurs jeux. Mais, tu sais, son gros problème, je te dirais, c'est d'être une exclusivité à Sony parce que les gens de Xbox peuvent pas profiter de ce jeu-là qui est Non, complet. effectivement. C'est là l'importance d'acheter une PlayStation. Moi, j'ai toujours été PlayStation. Là, on va y aller avec l'autre RBI Baseball. Ça, c'est plus arcade. Donc, Ça, oui, c'est arcade, ouais. c'est la ligue majeure, justement. C'est la MLB qui s'occupe du développement de ce jeu-là et qui produit ce jeu-là. C'est elle qui s'occupe de tout ça. C'est elle qui a mis ça en jeu. Mais ce jeu-là est vraiment plus, on dit arcade, vraiment plus loin de la simulation. Puis il est offert sur tout, là. Vous avez un appareil mobile, un téléphone, cellulaire, il est offert sur OK. Apple Store. Il va sortir bientôt sur Google Store. Il l'est pas encore, mais sur les iPhones, les iPads, tout ça, il est disponible. Il va être disponible sur Switch aussi prochainement, la petite console de Nintendo portable. Mais sinon, il est disponible sur PlayStation, le PC, sur l'Xbox One. Fait que ceux qui ont l'Xbox One, c'est pas mal la seule option qu'ils ont. Il y a d'autres jeux qui n'ont pas vraiment de nom ou de lien avec la Ligue nationale, mais si vous voulez un lien avec la Ligue nationale, c'est vraiment le jeu à avoir là-dessus, là. Mais malheureusement, c'est un jeu, comme que je dirais, un peu plus plate côté. Graphique, côté tout ça. Ah, côté jeu, on stand vite, le loading entre les manches est long, on n'a pas l'impression de frapper, on n'a pas l'impression vraiment de jouer au champ, on lance la balle un peu n'importe comment, mais t'sais, ça reste une option un peu plus plate. Comparativement aux opus précédents, il est plus beau, ils ont amélioré le visuel, le stade. Ceux qui ont le PlayStation VR, mais il va y avoir un mode VR qui va être dessus, un concours de circuit, mais qui va être disponible plus tard cette année, mais ils n'ont pas encore donné de date, et qu'on va pouvoir juste frapper des balles avec notre casque de réalité virtuelle. Mais t'sais, sinon, ça reste un jeu. Si vous avez un iPhone, achetez-le à 6$ au lieu de l'acheter à 40$, parce que c'est une grosse lacune. C'est la vente 40$, c'est un jeu, je vous dirais, qu'on a du plaisir pour un 15-20$, pas plus que ça. Fait que là, le gros problème d'offrir ce jeu-là si cher pour un peu de plaisir. Puis le pire, c'est que si tu compares la version téléphone et la version Xbox sont pas loin. Oui, visuellement, la Xbox est un peu plus belle, mais grosso modo, on a l'impression de faire la même chose sur les deux. Fait que pour un écart d'une trentaine de dollars, ça fait mal au portefeuille pour rien. OK. Donc, on va y aller avec cette note-là. As-tu une note là-dessus? Oui, on lui donne un 5,5 sur 10. OK, C'est c'est. vraiment moins bas. Puis, OK. comme on dit, il y a quand même des points positifs. On a quand même un peu de plaisir, mais on se tente rapidement à le jouer. Hein. Ben oui, effectivement. Donc, René, j'ai entendu des rumeurs hier. J'écoutais Radio X Québec, Dominique Morin qui parlait avec Denis Talbot, et il a parlé de la PlayStation. Est-ce que tu as le PlayStation 5 qui pourrait sortir très bientôt? Est-ce que tu as des nouvelles là-dessus? Bon, c'est dans ça plusieurs rumeurs qui tournent autour de cette console-là. Disons que plusieurs aimeraient bien l'avoir cette année, mais les possibilités sont très, très, très, très faibles. Tu sais, peut-être que au E3, ça, c'est une autre la grosse foire de jeux vidéo. Ça se Ouais. déroule en juin, entre le 13 et le 18, dans ce coin-là. J'ai pas cet exemple sous les yeux, là, mais c'est environ dans ce coin-là. Puis il y a là, tu sais, peut-être que Sony va l'évoquer. Peut-être va dire oui, on est en train de développer la PS5, mais c'est pour une annonce puis une sortie, c'est pas avant un bon bout, là. L'annonce, comme on dit, peut-être cette année, ce qui m'étonnerait, mais la sortie, les rumeurs à date veulent que ce soit autour de 2020. La plupart ont tendance, puis les experts aussi s'accordent pour dire que ça pourrait sortir dans ce coin-là. Pour l'instant, à date, la PS4 se vend encore très bien. La PS4 et la PS4 Pro, c'est deux consoles qui se vendent encore très bien. Sony, la plupart des endroits, vont finir premier, puis après ça, tu as la Switch ou la Xbox One. Ça dépend des pays. Ça va, mais tu sais, la PS4 trône encore au sommet, c'est encore une des consoles les plus vendues. Fait que, tu sais, ils n'ont pas vraiment intérêt à lancer ça demain matin. Puis, tu sais, si l'annonce demain matin, ben, ils viennent se tirer dans les pattes en disant que bon ben le monde va dire bon ben, je vais jeter plus de PS4, là, je vais attendre, la PS5 va Ouais. sortir dans pas long. OK. Fait que c'est pour ça que je te le dis, il y a des bonnes chances que oui, tu sais, il y en a une en production. Puis sûrement que tu sais, les grosses compagnies comme EA ou ben pas Microsoft, mais EA, puis les Activision, tout ça, ont des kits de travail, des kits de développement qui appellent. Les autres, sûrement, ils ont des affaires qui ressemblent à quoi va ressembler à PS5. Ils sont en train de développer des jeux, parce que quand tu sors une PS5, Ouais. tu veux des jeux avec. C'est comme là, ils viennent d'avoir un des gros jeux qui a été parfait pour ça. C'est God of War qui sort le 20 avril. Fait que ce jeu-là va être un des gros jeux de la PS4. Fait que, on s'entend que ce ne sera pas pour tout de suite. On vient d'avoir ça, puis on a encore une liste de jeux énorme, mais éventuellement, oui, il va y avoir une PlayStation 5. Puis, il y en a qui disent aussi que ça pourrait être la dernière console qui va prendre Ouais, les c'est ça que CD. tu me Après disais. ça, ouais, puis après ça va peut-être s'en aller un peu comme Netflix, en streaming ou OK. en mode téléchargement. Xbox utilise déjà une affaire, Microsoft utilise déjà avec la Xbox Game Pass, un app comme ça, on nous vend, mettons, c'est 12 $ par mois. Puis ça nous donne accès à une librairie d'une centaine de jeux. Puis là, on vient de joindre des nouveautés comme leur dernier Sea of Thieves. C'est un jeu de pirates. Là. Il est accessible directement là. Puis il est sorti en mars. Et, on peut l'avoir directement là. Il y a State of Decay 2. Puis il y a un Crackdown 3 qui vont être aussi partie de ça. Fait, on va avoir c'est des jeux qu'on peut jouer directement à leur sortie des gros jeux. Fait, peut-être que ça nous prépare tranquillement à la nouvelle façon qu'on va nous présenter le contenu. Puis. Il y a beaucoup de monde qui ont adopté le numérique. Pareil, c'est plus facile qu'aller chercher un brassier, c'est moins de troubles, tu l'as là. Donc, il n'y aurait plus de consoles. Oui, il y aurait des consoles, mais il n'y aurait plus de jeux physiques. Ce serait des consoles plus reliées. Mais tu sais, encore là, c'est des rumeurs, c'est des idées, mais ça reste à voir, à voir où c'est que ça s'en va et qu'est-ce qui va être. Mais pour la PlayStation 20, comme je te dis, pour la PlayStation 5, ça va être dans le coin de. D'après moi, ça va être dans le coin de 2020. Je mettrais plus une pièce là au lieu de dire que ça va sortir des nains. Il y en a qui disaient au début 2019, mais plus ça va, plus ils s'entendent vers 2020. En tout cas, ces temps-ci, les grosses rumeurs s'en tournent vers là. Pour l'instant, on n'a rien. Fait que le monde spécule, puis on verra bien où ça va aller. Là, mais d'après moi, on va être fixé d'ici le 3 ou dans peut-être l'année prochaine. Là, on va avoir plus de nouvelles, puis on va nous dire qu'est-ce qu'il y en a. Parfait, parce que moi, écoute, ça va être le fun. Ça veut dire que ma PlayStation 4 est encore très, très upgrade. Fait que c'est bête. Tu es d'accord correct pour un petit bout avec ça. Ouais, effectivement. Puis ça fait comme la PS3, au début de la PS4, il n'y en a pas beaucoup de libre. Donc, ça prend une bonne année avec une bonne transition. Au moins pour 2 ans encore. Là. Facile. Ouais, d'après moi, oui. C'est... Ouais. Comme on dit, c'est pas nous qui décident les dates, là, mais... d'après nous, ce ne sera pas avant 2020. OK. René Cadieu du site internet game-focus.com, la référence des jeux vidéo, on s'en parle bientôt. C'est bien. René Cadieu du site internet game-focus.com.